moi toujours parété, toujours là t'écouter. Si la vie t'avait fait soit du mal, soit du bien, et tout doucement, toi, arrivé dans ma vie sans jamais où parler. Et l'amour a explosé, c'est ça qui fait rêver. Qu'à personne peut m'aimer de façon qu'a tu fait. Mi préfère tout chez moi, toujours que dire. Serre-moi dans tes bras, parle-moi. Dice-moi.